Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran du poste et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Il est intéressant de revenir parfois sur des projets de création qui peuplent l'univers des nouvelles musiques, qu'elles soient d'improvisation ou de stricte composition, des projets qui valent, en d'autres termes, une réécoute. Alors voilà, on se retrouve donc aujourd'hui en 2021. J'avais la chance de converser, non pas avec un, mais trois artistes sonores, musiciens, compositeurs, à propos d'un magnifique projet intitulé « Somme ». Somme au pluriel, comme le verbe être au nous sommes, et au singulier pour faire somme. Belle formulation, en tout cas, bref, un projet concocté et réalisé par le Grill, cet ensemble à géométrie variable, à géométrie infinie, qui compte des instrumentistes, des improvisateurs, improvisatrices, compositeurs, compositrices, expérimentateurs sonores qui travaillent le son et la matière musicale à travers un processus pas très hiérarchique qui se passe en fait de chef d'orchestre, animé par tour de bras à Rimouski, province de Québec, depuis 2007. Les artistes et les musiciens du grand groupe régional d'improvisation Libéré s'intéressent au processus de création inattendu, fondé, dit-on, sur les choix de chaque instrumentiste au moment de la prestation. Et c'est ce qui les a inspirés dans la création de cet album intitulé « Somme », dont nous parlent ce soir mes invités Éric Normand, Rémi Bélanger de Beauport et Robert Bastien. Alors, parole à ces artistes. Robert Bastien, Rémi Bélanger de Beauport, Éric Normand, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Merci. Éric, dis-moi, le Grill, le grand groupe régional d'improvisation libérée, j'espère que je ne me trompe pas dans l'intitulé, quelle est l'histoire de ce groupe qui est assez fascinant parce qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'interprètes. Alors, quelle est l'idée derrière tout ça? L'historique du Grill, ça n'a pas parti comme dans l'idée de partir un groupe au départ. Je pense que de toute façon, on n'avait peut-être pas à cette époque-là la masse critique de gens qui étaient dans ces musiques-là pour que ça se passe puis qu'on dise on part un band. Ça a parti de l'idée qu'on organisait au départ des ateliers d'improvisation où on invitait des gens comme René Lucier, comme Jean de Rome à venir donner des ateliers. Et puis, ces gens-là donnaient des ateliers dans lesquels ils incitaient les gens à jouer. Donc, on s'est retrouvés à être toujours une dizaine de personnes comme ça, puis à faire ces ateliers-là, à jouer ensemble. Puis, veut pas, ça a donné le goût l'un à l'autre de dire, ben poussons ça, continuons, rencontrons-nous en dehors aussi de ces ateliers-là, plus dans une logique de création. Puis, petit à petit, c'est ça qui s'est passé, en fait. On s'est mis à commander des œuvres donc à des compositeurs. Avec le temps, Éric, le Grill s'est élargi tout de même. Il n'est pas limité à des créateurs de la région de Rimouski ou du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie. On retrouve là, des artistes, des créateurs, des interprètes d'un peu partout. Oui, tout à fait. Ben, il y a quand même une majorité des gens du Grill qui vivent dans la région du Bas-Saint-Laurent, majoritairement autour de Rimouski. C'est quand même le noyau dur, ceux qui sont là depuis plus longtemps. Je pense aussi, ouais, vas-y donc, Robert. Il n'y a pas la région de Chicoutimi aussi? Ah, ben oui, c'est vrai, ben oui, Oui. Antoine. Puis je pense aussi tu sais, que dès le départ, le grill, ça fait quoi, à peu près 15 ans. Je pense que ça a toujours été un band formé de gens qui gravitent autour de Rimouski, mais qui est international dans ses collaborations, puis dans dans les personnes avec qui il communique, puis avec qui il résonne là, comme ensemble dès le départ. Je pense que ça a été. Ça a tissé des liens tout de suite. Au plus proche à Montréal, puis après ça, tu sais, à l'international. Oui, tout à fait. Le répertoire, en tout cas, il est vraiment très riche pour en avoir pris connaissance ces dernières années. Comme on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un des derniers projets du Grill qui s'intitule Somme, je le souligne, c'est Somme au pluriel. On va en entendre un premier extrait de cet album. Je choisis un peu au hasard, mais pas vraiment au hasard. On va écouter une courte pièce, une première version, parce que plusieurs versions. Ça s'intitule Chat de chez Cher. Pardonnez-moi l'expression, on pourra revenir puis corriger la linguistique après l'écoute. Alors, on écoute ça. Alors, Éric, Rémi, Robert, ce projet qui s'intitule Somme au pluriel, qui peut vouloir dire beaucoup de choses, j'aimerais ça vous entendre sur à la fois l'allure de ce projet-là, parce qu'on parle d'un projet qui s'est étalé dans de la durée, où on compte de très nombreux interprètes, de très nombreux créateurs. Et ça, là-dessus, ben, je vous donne la parole, j'aimerais ça vous entendre sur ce projet. Robert. Mais disons que moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises, puis je l'ai écouté encore plus attentivement. Puis, c'est intéressant que tu aies choisi un extrait de la pièce de Robert Marcel Lepage sur le chat de Worcestershire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toutes les fois qu'on fait une pièce, on la fait avec le maximum de concentration puis le maximum d'engagement, mais ça ne donne jamais le même résultat. Puis je pense qu'avec le chat de Worcestershire, finalement, ben vous comprenez que c'est une blague que je fais à Robert Marcel. Ben, finalement, ça m'a amené à porter une sorte de regard critique un peu sur la musique en général, puis sur notre musique en particulier. Parce que d'entrée de jeu, c'est pas. On peut pas dire que c'est une musique qui est difficile à écouter, mais c'est une musique qu'on n'écoute pas beaucoup et qui ne s'entend pas beaucoup. Et moi, j'ai comme établi une distinction de sens, si on veut. On peut, dans une certaine perspective, entendre de la musique, mais il y a des musiques qui s'écoutent. Et la musique du grill, comme d'ailleurs beaucoup d'ensembles de musique improvisée ou d'ensembles de musique nouvelle ou de création contemporaine, demande une écoute et non pas juste l'entendre. Et ça, c'est un peu comme... En tout cas, c'est une des caractéristiques qui, pour moi, est un peu au centre du projet Somme. Et l'autre élément qui est un parallèle, non pas, ben, un parallèle de sens, si on veut, mais c'est finalement, il y a aussi une autre distinction qui s'établit entre voir puis regarder. Et voir, c'est-à-dire qu'on peut bien voir ce qui nous entoure, mais regarder, ça demande encore une fois beaucoup d'attention. Puis je pense que Somme, les trois albums du disque sont une invitation à, comment dire, à l'écoute puis au regard. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça, je vois l'album Somme, puis... C'est intéressant quand Robert dit qu'à chaque fois c'est différent. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait choisi cette pièce de ce fameux chat de Cher, qui est une pièce solo. On parle d'un album d'un orchestre et puis on écoute un solo. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, cette variation-là d'une fois à l'autre, c'est ce qui caractérise justement l'orchestre, puis ce mot-là de somme, c'est un peu ça, c'est que c'est la somme des individus. Mais ce qui est fascinant avec le grill, c'est que même si on travaille avec un compositeur, on travaille en improvisation, on travaille dans une idée où c'est toutes des personnes qui sont en création, ensemble, collectivement, qui font une co-création. Écoutez, je vous arrête. On va écouter une autre pièce parce que l'objectif avec mes auditeurs, c'est tout de même d'écouter attentivement. J'aime bien cette nuance qu'apporte Robert entre le voir, le regarder, l'écoute, l'entendre. Alors, je vous propose qu'on écoute « To love that well ». Et là, je traduis la suite « Cœur ruiné ». Et on écoute ça et je vous reviens. On revient ensemble sur ce beau travail, cette belle création intitulée « Somme ». On vient d'entendre « To Love That Well ». C'est une pièce qui me semble refléter l'espèce de rituel qui vous a animé durant toutes ces semaines à créer cet album. Est-ce que je me trompe? Ben, on pourrait, toutes ces semaines, mais aussi toutes ces années, là, tu sais, quand on écoute « Somme », c'est la somme aussi de travail puis de collaboration qu'on fait avec des compositrices et des compositeurs depuis quand même un bon moment. Puis souvent, ben, le Grill va lancer un album à chaque quelques années. Puis dans cet album, on retrouve parfois des improvisations du Grill, puis parfois aussi le travail qu'on fait avec des compositrices et compositeurs. Donc là, sur Somme, je pense qu'on a une dizaine, 10-12 compositrices et compositeurs qui nous ont présenté leurs pièces. Donc, chacune des pièces au programme est une attitude différente envers la composition. Puis comment est-ce qu'on fait pour composer pour une bande d'improvisatrices et d'improvisateurs? Quels paramètres on va fixer quand on décide de composer pour ces gens-là? Puis ben, dans « To Love That Well, Ruined Choirs » de Lisa K. Miller, certains paramètres ont été fixés. On a entendu des hauteurs de notes, on a entendu certaines ambiances, on a entendu la musique tourner rapidement à certains endroits. Donc ça, c'est tous des paramètres qui ont été fixés par la compositrice avec lesquels nous, on doit composer ou plutôt on doit gérer ça ensemble. Puis je pense que c'est ça, vraiment, chacune des pièces est une attitude aussi différente envers qu'est-ce que c'est que de faire la musique ensemble. Oui, on voit dans l'album, à travers les titres, qu'il y a à la fois quelque chose de très ludique dans l'approche, mais aussi quelque chose de très sérieux, de très même philosophique. Je pense, entre autres, à ce titre. Il y a deux versions, ça s'appelle « Une note n'écoutant qu'elle-même ». Et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'il y a tout de même une idée derrière ce titre d'œuvre. C'est un titre qui vient d'Henri Michaud, qui a été pigé dans Je ne sais pas quel est d'Henri Michaud par Caroline Crabel, la compositrice. Mais ce qu'elle voulait nous faire travailler, c'était la notion de non-écoute. Justement, c'est une pièce qui est très intéressante, qui se réfléchit sur comment on peut faire pour ne pas écouter les autres pendant qu'on est en train de jouer avec eux. Donc, les différents mécanismes mentaux, émotionnels qui nous permettent d'être dans des états où on n'est pas à l'écoute ou au contraire, on est à l'écoute. Donc, la pièce fonctionne par une direction qui suggère aux musiciens justement des façons d'écouter ou de ne pas écouter les autres. Donc, c'est vraiment une pièce justement qui, tu disais, philosophique. Je ne sais pas si c'est le terme précis, mais c'est vraiment une pièce qui est basée justement sur des idées du rapport à l'autre plutôt que sur une écriture. Je trouve aussi que une des particularités de Grill puis de Somme, c'est on tente d'accueillir une variété de propos puis une variété de personnes, une diversité de personnes vivantes. Puis entre autres, le disque, ben, on pourrait dire dans les musiques nouvelles, c'est un disque où on compte beaucoup de femmes compositrices. Puis je pense que cette subjectivité-là, c'est pas un hasard si on a une diversité d'approches et peut-être même de philosophie de la création quand on fait l'effort d'aller chercher une variété de points de vue. On va écouter... On va écouter le téléphone. Oui, on va écouter le téléphone, mais on va aussi écouter cette pièce intitulée « Une note n'écoutant qu'elle-même ». Alors, on écoute ça pendant qu'Éric est parti prendre le téléphone. Thank you. Oui, vas-y. Ben, c'est juste un commentaire, mais c'est aussi une sorte de conversation ouverte, si on veut. C'est que, considérant le fait qu'on a eu la chance de travailler avec les compositeurs à qui, finalement, les œuvres ont été commandées, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que les musiciens ont à apprendre des choses de la part du compositeur ou de la compositrice, un peu comme Rémi le disait. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que c'est une, comment dire, c'est un apprentissage bilatéral, dans le sens où certaines pièces ont été écrites spécifiquement pour le grill. Je pense que c'est dans la majorité des cas. C'est que les compositrices et les compositeurs pouvaient avoir une idée de ce que ça donnait, mais ils ne l'entendaient jamais avant que l'on puisse l'approprier, et etc. Puis à un moment donné, il y a comme des corrections qui sont apportées en fonction, comment dire, pas du répertoire, mais de la capacité des musiciens, etc. Puis cet ajustement-là, c'est finalement, comme je disais tantôt, c'est un processus de création qui se fait des deux côtés, c'est-à-dire que le compositeur, la compositrice imagine quelque chose, mais là, découvre autre chose. Et là, il y a comme un blend qui se fait entre la pensée, si on veut, et le son, et ce qu'on entend, etc. Donc, c'est un peu comme ça que j'entrevois la façon dont les musiciens et les musiciennes, en collaboration avec les compositrices et les compositeurs, ont travaillé. Donc, c'est un processus d'apprentissage dual, si on veut. Alors voilà ce qui complète la première demi avec Robert Bastien, Rémi Bélanger de Beauport et Éric Normand du Grill. Restez des nôtres, vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL 89.1. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone, avec vous pour la prochaine demi-heure. Alors, je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et au programme de cette deuxième demi, la suite de ma conversation avec Robert Bastien, Rémi Bélanger de Beauport et Éric Normand à propos du dernier album du grand groupe régional d'improvisation Libéré, Le Grill. Alors, cet album, intitulé « Somme », c'est une œuvre fleuve présentée en trois volets, ou si vous voulez, trois chapitres réalisés avec la complicité de 26 artistes, performeurs, interprètes, à partir des créations, compositions de Frédéric Blondy, Robert-Marcel Lepage, Lisa K. Miller, Malcolm Goldstein, Caroline Crabel, Alison Cameron, Martin Arnold, Laurie Friedman, Michel F. Côté, Jean de Rome et Gus Garside. Il s'agit d'une somme sonore impressionnante, vous verrez à l'écoute, et particulièrement réussie, dont on entendra des extraits ce soir, accompagnés des propos de Rémi Bélanger de Beauport, d'Éric Normand et de Robert Bastien. Le projet Somme a été enregistré en grande partie à Rimouski du 21 au 27 septembre 2020 à la Coop Paradis. On retrouvait à la prise de son Bernard Grenon, Guido Delfabro à la direction musicale pour l'enregistrement, la réalisation, le mixage réalisé par Michel F. Côté et Mario Gauthier assurait le matrissage de tout ce beau matériel sonore. Alors voilà, bonne écoute. L'improvisation, est-ce que tu considères que c'est un peu la forme ultime là, de l'expression artistique en musique ou en art sonore? Je vous pose la question à tous les trois. Moi, je veux dire une chose un peu, considérant le fait qu'on est en campagne électorale, puis c'est le jour du vote aujourd'hui, il y a un élément qui me met souvent hors de moi dans la façon dont les partis politiques s'interpellent et les politiciens et les politiciennes s'interpellent en disant « ils font juste improviser ». Ils emploient extrêmement mal le mot « improviser », dans le sens que l'improvisation se fonde tout d'abord sur l'écoute et ensuite de ça sur la réponse. Et lorsqu'on reçoit comme une bêtise, ils sont juste des improvisateurs, ils font juste improviser, ça me met hors de moi, puis je pense que oui, mais en improvisation, pour moi, c'est l'écoute et la qualité de la réponse et le dialogue qui s'ensuit. Et c'est pas ce que les politiciens font. Pour moi, l'improvisation, c'est pas une finalité en soi, mais c'est un outil dont se servent plusieurs compositeurs aujourd'hui. Puis c'est aussi un outil que les instrumentistes possèdent, qui peuvent raffiner. Puis j'ai l'habitude de dire que c'est une façon risquée d'éviter des simplifications parfois vulgaires. T'sais. Parce que la musique écrite, c'est peut-être pas une simplification compliquée de quelque chose qu'on entend. T'sais. Tandis que quand on fait juste faire confiance à une personne qu'on écoute puis qu'on essaie de créer avec lui ce lien-là, t'sais, à quelque part, c'est même Beethoven disait l'harmonie parfaite, ça évite les rapprochements. T'sais. Donc, deux notes en parfaite harmonie, à quelque part, sont moins vivantes que deux notes qui se cherchent. Donc, il y a cette idée dans l'improvisation qu'on a confiance dans les autres musiciens pour créer quelque chose qui ne sera pas une réduction de l'idée, mais une façon de la faire vivre. Peut-être aussi pour revenir un petit peu tout en s'éloignant de la politique, je trouve ça intéressant d'être dans un T'sais, d'être comme violoncelliste du Grill ou même sur ce disque-là, je dirige certaines pièces. Puis de constater qu'à l'intérieur de l'ensemble, on a nos relations. Puis je pense qu'un ensemble comme le Grill, à cause de la méthode de l'improvisation, c'est un ensemble où les relations sont beaucoup plus horizontales. Puis même dans, comme Robert décrivait, notre relation avec la personne qui compose une pièce pour nous, ben, c'est le fait qu'on ait l'improvisation, ça nous rapproche d'une façon de créer qui est quasiment plus près de la danse, par exemple. Tu sais, jamais qu'on verra une chorégraphe ou un chorégraphe arriver avec l'œuvre déjà construite avant même de rencontrer les interprètes. C'est toujours un échange qui mène à l'œuvre finale. Puis finalement, l'œuvre finale, c'est une version parmi tant d'autres. Tandis qu'en musique, il y a encore, tu sais, si on pense à la musique classique, il y a encore beaucoup l'attitude de faut arriver avec la pièce complétée le plus possible, sinon on est comme discrédité, là. Ce que je trouve intéressant aussi quand on parle de ce dialogue-là entre les compositeurs puis les interprètes, c'est que aussi maintenant, grâce à l'album, on a repris de ces pièces-là, donc on a joué les pièces devant les compositeurs, donc qui eux ont eu une œuvre qu'on s'était appropriée, qui eux l'avaient pas entendue des fois depuis des années. Donc ça nous a amené en fait à des beaux moments, des belles discussions, entre autres avec Larry Friedman qui a entendu deux fois donc sa pièce récemment, après plusieurs années de... C'est vrai que c'est intéressant comme démarche. Écoutez, il y a une pièce que je trouve magnifique. Elle s'intitule « In Memoriam Robert Ashley ». Et je voulais vous entendre là-dessus parce que Rémi, tu disais, on réinterprète, on redonne vie à des œuvres, on, on redonne vitalité à des compositeurs. Et dans ce cas-ci, là, il y a un retour, il y a quelque chose qui tient de l'hommage, de la réflexion sur la création. J'aimerais ça vous entendre sur ce, à la fois sur cette pièce puis sur cet univers sonore, musical. C'est intéressant parce qu'il y a une double référence au passé, parce que c'est la seule pièce qui n'a pas été écrite spécifiquement pour le Grill, puisqu'elle avait été jouée avant, 10 ans avant, par d'autres ensembles. C'est une pièce que Alison Cameron nous avait proposée lors d'un séjour rimouskois et d'une grande discussion. Elle m'avait sorti cette partition. Et puis, rapidement, Rémi a été celui qui a été souvent chargé lors des concerts, puis tout ça, de préparer cette pièce-là. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire aussi, Rémi. Ouais, ben, je trouve que c'est. Il y a une espèce de magie dans cette pièce-là. Je pense que le Grill, puis beaucoup en musique nouvelle, en musique improvisée, ont, parmi tous les paramètres du son qui sont disponibles, souvent, les paramètres qui vont nous intéresser le plus, c'est peut-être la texture sonore, c'est peut-être le timbre, la couleur des instruments et tout ça. Puis souvent, on s'éloigne de l'harmonie traditionnelle ou de la mélodie ou des choses comme ça. Puis là, tout d'un coup, la pièce de Alison Cameron, en quelques instructions, elle va nous donner quelques notes à jouer, puis tout d'un coup, tout de suite, on tombe sur un retour à une harmonie traditionnelle qui, pour nous, finalement, est un truc super nouveau puis super étranger. Puis, une fois bien assis dans cette harmonie traditionnelle, ben on s'en va explorer. Là, on rentre dans les couleurs du son, puis on rentre dans la texture, puis on vit finalement quatre états qui proviennent, c'est ça, d'une espèce de dialogue entre la mémoire, l'harmonie et les textures sonores. Puis ben, le tout, chaque interprète du Grill doit travailler de façon assez parcimonieuse puis assez responsable. Comme dans toutes les pièces, même, on est responsable du résultat final, puis on doit doser à notre goût. Individuel et collectif pour que la pièce fonctionne. Tout à fait. Eh bien, on va écouter In Memoriam, Robert Ashley, parce que, bon, les émissions radio ont toujours ces contraintes de temps. Thank you. j'enchaîne au fond pour clore notre entretien, notre rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais ça que vous disiez, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience multiphonique avec des compositeurs, des compositrices, de nombreux interprètes? Vous avez vos références artistiques, je vais dire ça au sens très large, chacun, des expériences diverses. Qu'est-ce que ça représente, un projet comme celui-là, dans la vie, et non seulement dans la carrière, mais dans la vie d'un artiste? Bien, moi, c'est sûr que ça occupe une place quand même importante, en vrai, dans ma façon d'envisager la musique. Parce que c'est aussi là, avec le grill, c'est aussi là que je suis en contact avec beaucoup de musiciens. Et puis, c'est sûr que c'est cette expérience-là d'explorer le travail d'orchestre en collectif qui m'a toujours intéressé, puis que je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir le faire. Pour ma part, je pense que c'est un point charnière dans l'évolution du grill, puis aussi plus largement dans l'évolution de la composition pour orchestre d'improvisatrices et improvisateurs. Ce disque triple-là, il nous donne un portrait de où est-ce qu'on en est aujourd'hui même, avec la création. Puis je pense que c'est chacune des interprétations sur le disque est très solide. Puis elle sonne bien, tu sais, le mix de Michel F. Côté nous amène à l'intérieur. Puis je trouve que même la boîte elle-même, avec l'illustration de Tania Girard-Savoie, nous amène comme, c'est ça, à une autre étape dans la carrière du grill, mais aussi, je pense que pour le public, c'est vraiment un privilège d'avoir ce niveau-là d'interprétation et de composition là, maintenant entre les mains. Peut-être ajouter un petit commentaire, c'est sur la qualité technique, je pense, de la prise de son de Bernard Grenon, l'enregistrement de Guido Del Fabbro, puis la réalisation puis le mixage de Michel F. Côté, puis le travail de Mario Gauthier. Michel F. Côté, j'adore ce que Michel F. Côté, puis en écoutant le dernier album du Grill, j'avais parfois l'impression, bien qu'il y ait une pièce de Michel F. Côté sur le Grill, d'écouter du Michel F. C'est comme si Michel F. s'était approprié les sons, les émotions, les techniques du grill pour lui donner une couleur, parce que souvent, comme musicien, on n'entend pas ce qu'on fait. Je voudrais dire félicitations à tout ce monde-là, finalement, qui ont travaillé avec passion, je pense, pour la réalisation. Et le Quatuor Bodini qui nous joint pour une pièce, qui est aussi un ensemble extrêmement important aujourd'hui en musique de création. Oui, tout à fait. C'est très, très réussi. Robert Bastien, Rémi Bélanger de Beauport, Éric Normand, ça a été un plaisir de vous entendre autour de ce beau projet intitulé Somme au pluriel. Et puis, on va compléter l'émission en écoutant une pièce, une composition de Michel F. Côté. Suggéré par Robert. Alors, ben merci beaucoup encore. Merci. Et salutations. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de Robert Bastien, Rémi Bélanger de Beauport et Éric Normand du Grill à propos de l'album Somme qui réunit une pléiade de musiciens et musiciennes, projet que vous retrouverez sur les plateformes Bandcamp et Actuel CD. Alors pour clore l'émission tirée de l'album Somme, je vous propose une création de Michel F. Côté intitulée « Antise d'os noué ». Interpréter tout ça par le Grill, le grand groupe régional d'improvisation libéré qui siège dans la région de Rimouski. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL à Québec. C'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Je pense à bouche.